Reality. Erachte niemals das, was die Welt als Realität bezeichnet. Ne considère jamais ce que ce monde considère comme réalité. Ne le prend pas jamais comme valeur. The Bible says we should consider Christ alone. Die Bibel sagt, dass wir nur Christus erachten sollen. Hebräer 12. La Bible nous recommande de seulement considérer le Christ. On va lire Hébreux 12. Hebrews 12, 1-3. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Wherefore, seeing we also are compassed with about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction. Consider him alone, please. Let Christ alone be your consideration. Und Vers 3 sagt, achtet doch auf ihn. Das bedeutet, wir sollen nur ihn erachten. Et verset 3 nous dit, Hebreux 12, verset 3 nous dit qu'on doit considérer que le Christ. Rien d'autre chose. In verse 3, it says, for consider him that endures such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds. Praise the Lord. Amen. If you consider other things, you will give up. Wenn du andere Sachen erachtest, dann wirst du irgendwann mal aufgeben. Donc si tu considères autre chose, tu vas laisser tomber. Amen. Amen. Stop considering their facts, their reality. Consider Christ alone. Hör auf, die Fakten, die Tatsachen und die Realität dieser Welt zu erachten. Erachte nur Christus. Arrête de considérer les faits, les réalités de ce monde et leur vérité. Tu dois seulement considérer le Christ. If not, you will give up. Sonst wirst du irgendwann mal aufgeben. Sinon tu vas abandonner. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, they have their fact. They have their reality. So also Elisha. Elisha have his own facts. He have his own reality. Those that be with him. Die Welt hat seine eigene Realität. Und auch Elisa beispielsweise hatte seine eigene Realität. Und seine Realität war diejenigen, die mit ihm waren. Et on peut voir que ce monde a ses réalités. Et Élisée, par exemple, lui, il avait aussi sa réalité. Sa réalité, c'était que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux. Stop allowing their facts, their reality, to be real in your heart. Hör auf, oder du darfst nicht die Realität dieser Welt, die natürliche Realität, in deinem Herzen als echt sehen. Tu ne dois jamais considérer la réalité de ce monde comme quelque chose de vrai. Amen. Their reality, their truth, what they call their fact, what they call their truth, should never be real in your heart, deep down in your heart. If you check it, is this theory what they desire? You still desire. Check your heart. Check your soul. That soul is the part of us that is, that is so much against us. If we do not allow Christ to intervene, so much it will go so much against us. If we say no to Christ Jesus. Und die Fakten, die Tatsachen, die Realität dieser Welt sollten wir niemals als echt, als real ansehen. Wir sollten uns weigern und vor allem weiterhin uns prüfen, was wir als echt ansehen, was wir als Fakten bezeichnen, was wir immer noch begehren. Es ist das, was die Welt ausmacht. Und wenn wir nicht aufpassen, nicht zulassen, dass unsere Seele und die sich erneuert, dann werden die Tatsachen dieser Welt am Ende ja gegen uns wirken und wir werden Christus nicht glauben können. On doit faire vraiment attention à ne pas considérer ce que le monde valorise et seulement valoriser le Christ. On doit vraiment se s'examiner chaque jour. Parce que sinon, si on ne s'examine pas et commence à croire ou bien considérer leur réalité comme notre réalité, on va arriver à un point où on ne croit plus en Christ, à ce qu'il dit. Amen. Tout à sa vérité. Their reality, their truth, their fact, all these are the same. Should never be real. Not only with your mouth, but deep down your heart. Don't allow it to be real at all. Die Wahrheit, die Fakten, die Realität dieser Welt, das ist alles sozusagen eins, alles das Gleiche. Das sollte niemals echt oder real für dich sein. Nicht nur in deinem Mund, sondern vor allem in deinem Herzen. Le fait de ce monde, la réalité de ce monde, tout ça c'est la même chose, ça ne doit jamais être réel dans ta vie, pas seulement dans ta bouche, mais dans ton cœur, dans ton cœur tu dois ne jamais le croire. You know, Jesus is my husband, yes he's my husband, is he really your husband in your heart, deep down inside, or you still desire what they desire? Du sagst zum Beispiel, dass Christus dein Ehemann ist, aber ist Christus dein Ehemann nur mit deinem Mund oder ist er dein Ehemann wirklich in deinem Herzen? Und oder begehrst du immer noch das, was die Welt begehrt? Et par exemple, quand tu dis que l'Éternel est ton mari, oui, est-ce qu'il est seulement dans ton mari, dans ta bouche ou bien aussi dans ton cœur? Et c'est pour cela que tu dois faire attention, tu dois le considérer dans ton cœur et pas seulement dans la bouche. You know, what about Jesus? He never see their reality as, you know, their facts as facts. Let's go to John 16. Let's just see a place there. Just John 16. Und selbst Jesus hat niemals die Tatsachen, die Fakten dieser Welt als real angesehen. Wir werden jetzt Johannes 16 lesen. On va lire Jean 16. On va voir comment Jésus-Christ n'a jamais considéré les faits de ce monde comme sa réalité. John 16, verse 32. Johannes 16, vers 32. Jean 16, 32. He said, behold, the hour cometh, yea, now is. Is now come, that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. He said, far that he was going to be alone. He said, far that when people leave, you are alone. Are you getting it? And yet I am not alone. There is another Father that, you know, that is of Christ Jesus, that you are never alone. Amen. Und in Vers 32 können wir sehen, dass es sozusagen eine Tatsache war, dass Jesus Christus, also eine irdische Tatsache war, dass er allein gelassen worden ist von seinen Jüngern, aber seine Realität, die er erachtet hatte, war, dass er nie alleine war, weil sein Vater immer mit ihm war. Et puis on voit verset 32 comment il cite Jésus-Christ, dit que oui, vous allez tous m'abandonner, je serai seul. Oui, c'était un fait terrestre, mais il a dit, malgré que vous allez m'abandonner, je ne serai jamais seul parce que mon Père est toujours avec moi. Et ça, c'est un fait, la réalité céleste. Are you getting it? I hope you get it. Amen. You know, the flesh will say you are alone, but the spirit is saying you are never alone. Das Fleisch wird dir sagen, dass du alleine bist, aber der Geist wird dir sagen, dass du niemals alleine bist. La chair va te dire que tu es seul, mais l'esprit va te dire que tu n'es jamais seul. Remember Galatians 5:25. It said, "You, if you live in the Spirit, walk in the Spirit. We are of the Spirit. Let us walk according to the Spirit." Und in Galater 5, Vers 25 steht, wenn ihr im Geiste lebt, dann wandelt auch im Geist. Galates 5 nous dit que si vous êtes de l'esprit, dans le marché aussi selon l'esprit, et toi tu es céleste, c'est pour cela tu as un esprit, et c'est pour cela tu es en esprit, et c'est pour cela aussi marche selon l'esprit. Allow your spiritual world to control your physical world. Allow Christ in your spirit to control everything outside. Und erlaube oder lass zu, dass die geistliche Welt, welche Christus ist, die physische Welt kontrolliert. Et c'est pour cela que tu dois permettre au monde, à ton esprit, de contrôler la chair. Amen. And that is how everything remains permanent. His joy, his peace, his rest remains permanent in your life. Und nur so wird seine Freude, sein Frieden alles andere sozusagen ja bestehend beständig sein in deinem Leben. Et c'est pour et c'est comme ça aussi que sa joie, sa paix et toute autre chose va rester permanent dans ton cœur. And that is how you are going to be Christ forever. Und nur so wirst du Christus für immer sein. Et c'est seulement comme ça que tu seras Christ pour toujours. Praise the Lord. Alleluia. The Christ Jesus in our spirit must also come into our soul. Ja, der Christus, der in unserem Geist ist, der muss auch durch unsere Seele hindurchdringen. Et le Christ dans notre âme, de notre esprit, doit aussi pénétrer dans notre âme. He needs our cooperation. Er braucht unsere Kooperation. Il a besoin de notre coopération. Without our cooperation, he cannot live inside our soul. Ohne unsere Kooperation kann er nicht in unserer Seele leben. Et sans notre coopération, il peut jamais vivre dans notre âme. Amen. Our soul. The complicated part of us is not our spirit, but our soul. Der komplizierteste Teil an uns ist nicht unser Geist, sondern unsere Seele. La partie de nous qui est vraiment compliquée, c'est pas notre esprit, c'est notre âme. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The unsaved soul is the spirit of I. Und a soul that is not renewed is the spirit of I. Und die unerneuerte Seele ist sozusagen spirit of ich. Da steckt der Geist vom Ich dahinter. Et l'âme qui n'est pas renouvelée, là il a toujours l'esprit de moi. Amen. De voir soi-même. The saved soul is the spirit of Christ. Aber die errettete Seele ja, sieht nur Christus. Mais l'âme qui est sauvée voit que le Christ. Your soul hates you until you allow him to be Christ. Your soul hates you until you allow him to be Christ. Deine Seele hasst dich, bis du zulässt, dass es alleine Christus ist. Ton âme, lui, il te déteste jusqu'à ce que tu vas permettre qu'il soit que le Christ. You know, people always think that their soul loves them. It hates you, actually. The only person that loves you is Christ Jesus. Amen. Your soul hates you until you allow that soul to become Christ. Und viele Menschen denken, dass ihre eigene Seele für sie ist, dass ihre eigene Seele sie liebt. Aber der Einzige, der dich wirklich wahrhaftig liebt, ist halt nur Christus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur âme les aime, mais la seule personne qui t'aime, c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Anytime we are talking about self, the spirit of I, we are talking about unsafe soul. Und wenn auch immer wir über diesen Geist des Selbst, über diesen Geist des Ichs reden, reden wir über eine unerneuerte oder unerrettete Seele. Et chaque fois qu'on parle d'un âme qui n'est pas sauvée, on parle toujours d'un âme qui voit toujours le soi. It means we are talking about Satan himself. Und das bedeutet, dass wir alleine über oder dass wir direkt über den Satan reden. Et ça signifie que on parle aussi seulement du diable. On says soul love everything here on earth. Eine unerrettete Seele liebt alles, was hier auf Erden ist. Un âme qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas sauvée, aime, adore les choses terrestres. He loves the joy of this world, the peace of this world. Can see it, the unity of this world. Your safe soul. Und die unerneuerte Seele liebt da den Frieden dieser Welt, die Freude dieser Welt. Oder selbst die Einheit dieser Welt. 1 John 2, please. Et un âme qui n'est pas sauvé, lui, il aime la paix de ce monde, la joie de ce monde, les choses terrestres, en fait, de ce monde. 1 Johannes 2. 1 Jean 2. Praise the Lord. Hallelujah. It says, I love not the world, neither the things that are in the world. Verse 15, John 15 and 16. Vers 15 und 16. Verse 15 et 16. Praise the Lord. Hallelujah. Here is talking about your soul. Amen. Hier spricht man von deiner Seele. Ici, il parle de ton âme. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And say so, we always love the world. Und eine unerrettete arme Seele wird immer diese Welt lieben. Et un âme qui n'est pas sauvée va toujours aimer ce monde. Amen. It is only the saved soul that will not love the world. Nur eine errettete Seele kann diese Welt nicht lieben. Et c'est seulement un âme qui est sauvée qui va être dégoûtée par ce par ce monde. And not just say I don't love the world, but love Christ. Und diese errettete Seele wird nicht nur einfach sagen, ja, ich hasse diese Welt oder ich liebe diese Welt nicht, sondern wird sagen, ich liebe dafür aber Christus, nur Christus. Mm. Et cette âme qui est sauvée ne va jamais dire que bon, je n'aime pas ce monde. Non, il va seulement dire que oui, j'aime le Christ. Are you getting c'est it? Qu'elle va voir. Yeah, you know, we will not just say I don't love the world, but accept the love of Christ. The saved soul will accept the love of Christ. Und die errettete Seele wird nicht nur sagen, ich liebe diese Welt nicht, sondern sie wird vielmehr sogar die Liebe von Christus akzeptieren. Mm-hmm. Et cette âme va accepter l'amour du Christ. Va pas seulement dire que je n'aime pas le monde, mais il va accepter l'amour du Christ. Jesus knew how dangerous unrenewed soul is to man. And that is why he said we must hate it. Hate our life. To hate your life means hate that soul. Or renew soul. Und Jesus wusste, wie gefährlich eine unerneuerte Seele sein kann. Deshalb hat er gesagt, dass wir unser eigenes Leben hassen sollen. Und unser eigenes Leben zu hassen bedeutet, dass wir genau diese unerneuerte Seele hassen sollen. Mm-hmm. Et Jésus-Christ, il a dit qu'on doit vraiment apprendre à détester un âme qui n'est pas née de nouveau. Donc, oui. Amen. Jesus said in John, in Luke 14, verse 26, hate the unsaved soul. Hate that unsaved soul. Und Jesus sagt uns Jesus sagt uns in Johannes, dass wir diese unerneuerte Seele hassen sollen. Lukas. Luke. Et Jésus nous dit dans Luc qu'on doit vraiment détester un âme qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas née de nouveau. Amen. Again, man always think that self love them. They love themselves. No, you don't love yourself. You hate yourself. The only person that loves you is God Jesus. Und der Mensch denkt immer, dass das Selbst sich selbst quasi liebt, aber das stimmt nicht, denn wenn du dich im Selbst liebst, hast du dich eigentlich, weil nur Christus dich lieben kann. Et l'homme, lui par exemple, il pense que le soi va toujours est toujours pour lui, il l'aime, mais c'est pas vrai parce que quand toi tu t'aimes par exemple, c'est déjà mauvais, et si tu es en train de te détester parce que c'est moi Jésus-Christ qui est capable de t'aimer. Amen. À toi-même. Because self means Satan. That's the meaning of self. Self means Satan. Satan never loved man. Und das Selbst steht alleine für den Teufel und der Teufel liebt niemals den Menschen. Et le soi, c'est quand on parle du soi, de s'aimer soi-même, on parle aussi du diable parce que le diable, lui, il n'aime pas les gens, il déteste les gens et quand tu es dans le soi, tu es dans le territoire du diable. Amen. The spirit of self is bigger than any man. That's why it takes Christ Jesus alone to get rid of it. Und der Geist des Selbst ist viel, viel stärker und größer als ein Mensch. Und deshalb braucht es Christus Jesus alleine, um diesen Geist loszuwerden. Et le problème est que l'esprit de soi est vraiment si grand et si puissant qu'on a seulement besoin du Christ. On a besoin que c'est seulement le Christ qui est capable de conquérir ou bien d'être au-dessus de cet esprit. It is only the spirit that can deal with the spirit. Denn nur der Geist kann mit dem Geist umgehen. Es ist seulement l'esprit qui est qui peut un esprit qui peut marcher contre l'autre esprit. Christ warned us against things coming out of our soul. Und Christus warnt uns vor den Dingen, die von unserer Seele kommen. Et Jésus-Christ nous avertit des choses qui viennent de notre âme. He said, take no thought, say. Don't allow that thought to come from your soul. Say. That's worries. Und er sagt uns auch, sorgt euch nicht, indem ihr sagt. Also es bedeutet, dass es wir sagen, dass, das zählt. Et il nous dit aussi de ne pas se préoccuper quand on est en train de dire des choses, de se lamenter. Donc ça signifie que c'est qu'on est en train de considérer, de dire, de penser. C'est vraiment important. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And that is Matthew 6. We will not go there, but let's go to 2 Corinthians 10, please. Und wir werden jetzt 2. Korinther 10 lesen. On va lire 2 Corinthiens 10. Second Corinthians 10, 5. Vers 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. It says, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Praise the Lord. Halleluja. It's talking about our soul. Und Vers 5 spricht hier über unsere Seele. Et 2 Corinthiens 10, verset 5, là il parle de notre âme. He said, allow Christ Jesus to be in control of your soul. Und diese Stelle sagt hier, dass erlaube, dass Christus Jesus in Kontrolle ist von deiner Seele. Et lui ici, ce verset nous recommande de permettre à l'Éternel Jésus-Christ à être au contrôle de notre âme. Your thought does not come from your spirit, they come from your soul. Deine Gedanken kommen nicht von deinem Geist, sondern von deiner Seele. Tes pensées, ça vient pas de ton esprit, ça vient de ton âme. Whatever thought that is coming, always remember Christ. Amen. Und egal welcher Gedanke auch kommen mag, erinnere dich immer an Christus Jesus. Et peu importe quelle pensée qui est en train de venir ou bien de t'attaquer, rappelle-toi seulement de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Please remember that soul is a womb. Und erinnere dich immer daran, dass diese Seele ein Mutterleib ist, eine Gebärmutter ist. Et rappelle-toi toujours que cette âme, c'est comme un utérus. And until you are pregnant, you never give birth. You will never put to bed. Und bis du schwanger bist, kannst du vorher nicht etwas gebären. Et tu ne vas jamais accoucher si tu n'es pas enceinte. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We could not go far today, but we stop here. Amen. Amen. It's already now. Amen. Amen. Praise the Lord.